C'est sorti du Limousin, parce que la marche, quelqu'un dans la région de la marche, on appelle ça la marche. Bah, et ça va jusqu'à Nantes, c'est la marche, pratiquement. Bah oui, mais c'est ça, c'est rien de là. Puis alors les Libouilles d'Auvergne, c'est. Moi j'appelle ça, enfin, Libouilles d'Auvergne. Une bourrée, c'est une bourrée. Et on dit la marche, quoi. C'est pas tout à fait la même origine, quand même. C'est pas tout à fait. C'est exactement la même. Ah, mais ça va pas frapper de la même façon. Bien joué, les boules d'Auvergne, à Fatalie, à toute l'harmonie, à Fatalie, tout est créé, dans la musique. Ben, c'est un peu pourri, quoi, de l'air d'arrivée, quoi. C'est pas vrai, a commencé à jouer tout seul, Bourdine, et alors après la musique est devenue, vous jouez du trombone à coulisses, c'est simplement... Et alors, c'est lui qui fait les répétitions de la petite clique qu'il y a à Saint-Laurent-de-Jour, avec un village de 200 habitants. C'est pas une clique, c'est une. Il y a 200 habitants, mais il y a quand même 10 musiciens quand même qui tiennent. On était 30. À 200 habitants. Il y en a une douzaine, quoi, maintenant, qui tiennent les anciens, quoi. Et les jeunes, ça n'intéresse plus. Ah, parce qu'il y en a 10 là, il y en a plus un qui vient. Ils veulent faire ça. C'est trop long, ça. Si vous avez toujours appris tout seul. Tout seul. Mais nous avons aussi une bonne machine maintenant. Une marfane. Hein. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non. Mais c'est vrai.